Vous écoutez Rage et vous êtes les bienvenus dans Exocet, votre intraveineuse hebdomadaire de bizarre et d'insolite. Ce soir dans Exocet, nous allons nous concentrer sur des histoires régionales qui n'en ont pas moins eu une portée nationale par le biais des médias. Alors je vous rappelle que vous nous écoutez dans le Vaucluse, dans le Gard, dans l'Hérault, dans les Bouches-du-Rhône, donc nous avons décidé de nous concentrer sur ce secteur-là. Et c'est pourquoi ce soir nous allons vous raconter dans une première partie l'histoire du sarcophage de Arles-sur-Tech et dans une seconde partie l'histoire de la maison hantée de Vaillocaisse. Vous allez voir que ces deux histoires sont excellentes et qu'en plus de ça, donc, il y a, comment dirais-je, plusieurs degrés de lecture à ces différentes histoires. Elles ont été présentées par les médias comme d'authentiques phénomènes de hantise ou de mystères paranormaux, mais il y a eu pas mal de rebondissements, donc on y reviendra dessus. Dans la dernière partie de cette émission, nous vous dévoilerons les infos les plus insolites de la semaine. Je sais que vous l'attendez tout particulièrement, cette rubrique, parce que on vous guette chaque semaine, on vous soigne, on vous dégote les histoires les plus dingues qui se sont passées sur la planète. Et bien ce soir, nous ne dérangerons pas à la règle. C'est Exocet et vous entrez dans la face cachée du monde. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Alors pour démarrer cette histoire régionale, c'est Thomas qui va s'y coller. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Avec donc cette légende, puisqu'on peut parler d'une légende, qui a été traitée par de nombreux médias, l'histoire du sarcophage d'Arles-sur-Tech. Oui, effectivement, parce que de nombreux médias se sont emparés de cette histoire. Alors il faut savoir effectivement que ce cercueil, puisqu'il s'agit d'un cercueil, d'un tombeau, présente une particularité assez étonnante. Il a la particularité, effectivement, de donner, quand on puise dedans, une source, enfin une eau absolument pure, qui évidemment, à laquelle on prête évidemment de nombreux dons de guérison, de purification. Et à travers les siècles, évidemment, la rumeur s'est amplifiée, le bouche à oreille a bien fonctionné, et beaucoup de gens voient à travers l'eau qui sort de ce tombeau une source véritablement régénératrice. Alors, on ne sait pas trop d'ailleurs d'où vient cette tombe, parce que ça aussi, son lieu est très atypique. Il faut savoir que donc cette tombe est placée dans le village d'Arles-sur-Tech, hein, en plein milieu, sans qu'il y ait d'autres tombes à côté. Donc c'est vraiment un tombeau posé, un peu comme si les porteurs du tombeau l'avaient laissé pour boire une bière à l'époque, et puis n'étaient jamais revenus le chercher, l'avaient laissé poser là. Alors on le retrouve dans un coin du village. Alors au-dessus du tombeau, il y a une croix, et puis le tombeau est posé, et c'est important de le préciser, sur des petits blocs de pierre qui le rehaussent d'une vingtaine de centimètres. Et effectivement, dans ce tombeau, il se passe quelque chose de très étonnant, c'est qu'il y a un niveau d'eau constant, voire un niveau d'eau qui augmente, voire même certains témoignages disent qu'il est arrivé quelquefois que l'eau déborde du tombeau, alors que l'extérieur de ce fameux tombeau est complètement sec, donc on ne comprend pas du tout d'où vient l'eau, puisque donc, je le répète, on ne comprenait pas en tout cas, je le répète, le tombeau ne touche pas le sol, donc il n'y a aucun moyen que de l'eau s'infiltre de par le sol, il n'y a aucune inondation au moment où le tombeau se remplit. Il peut se remplir un petit peu à n'importe quel moment. Et c'est vrai qu'il y a constamment de l'eau à l'intérieur, de l'eau que l'on peut puiser par un petit interstice qui laisse penser qu'il a limite été conçu pour. Alors après, évidemment, au fur et à mesure des siècles, ce trou s'est sans doute constitué tout simplement parce que les gens sont allés puiser et au fur et à mesure d'user, de faire glisser un tuyau pour amorcer une pompe, etc., on finit par creuser un véritable trou qui semble laisser penser que ça a été conçu pour, mais on n'en est vraiment pas sûr. En tout cas, pendant très longtemps, on s'est demandé d'où pouvait venir cette eau qui donc présenterait ces fameux dons. Alors, il faut savoir que le curé de l'époque, d'Arles-sur-Tech, était quelqu'un de relativement ouvert, y compris point de vue scientifique. Donc déjà, il n'a jamais refusé vraiment que des gens aillent puiser, à partir du moment où c'était dans des termes raisonnables, de l'eau dans ce tombeau. Ouais. Il n'a jamais non plus refusé que des scientifiques se penchent sur le cas du tombeau. Alors, il y a eu une première expédition, entre guillemets, scientifique à Arles-sur-Tech pour aller analyser le comportement de ce tombeau. Alors, cette première expédition, entre guillemets aussi, parce qu'on ne parle pas d'expédition quand on va à Arles-sur-Tech, mais cette première opération scientifique, on va dire, a amplifié la rumeur, parce qu'effectivement, elle s'est penchée pendant pas mal de temps sur le tombeau, sans jamais réussir à porter d'explication cohérente. Alors pour eux, il y avait peut-être un certain hermétisme qui faisait que l'eau restait emprisonnée et qu'il y avait un effet de condensation parce qu'il faisait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là, pareil, scientifiquement, les choses s'expliquent mal parce que quand on est dans ce cas de figure-là, ce qui est le cas du tombeau, normalement la condensation se fait plutôt sur les parois extérieures qu'intérieures. Et puis on imagine mal de la condensation permettre d'avoir un lit d'eau de 20 ou 30 cm en permanence au fond du tombeau. Donc c'est vrai que les explications de cette première expédition, première opération scientifique, n'ont jamais vraiment convaincu le grand public, et évidemment ont amplifié le phénomène, parce que si les scientifiques n'ont pas d'explication, c'est que forcément le mystère qui est derrière est paranormal, et donc de nombreux magazines se sont penchés, se sont intéressés à cette histoire-là, y compris une fois qu'on avait trouvé l'explication scientifique, parce qu'il y a une explication, ma foi, assez surprenante, mais aussi assez bête. En tout cas, ça n'a pas empêché beaucoup de magazines de présenter le sarcophage d'Arles-sur-Tech comme un véritable mystère paranormal. Et on pense notamment, par exemple, aux émissions de TF1 comme Mystère, qui, à l'époque, ont fait un tapage médiatique autour de ce tombeau, alors que ils avaient l'explication. Ça va même plus loin, parce que si on va se pencher du côté du cercle zététique, apparemment, les gens qui ont enquêté sur ce tombeau auraient même été contacté par TF1 à l'époque où il préparait l'émission, qui leur aurait demandé s'ils voulaient participer en tant qu'intervenant dans l'émission. Eux ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés, et puis le journaliste aurait continué à poser des questions sur le cercueil, et le scientifique aurait dit « mais je vous arrête tout de suite, enfin le cercueil, on a l'explication, moi je vous envoie par fax si vous voulez toutes nos données scientifiques, et vous allez voir qu'il n'y a aucun mystère ». Donc les journalistes en plus auraient été au courant, et auraient fait un petit peu la sourde oreille pour continuer à présenter ce tombeau comme un véritable phénomène paranormal, parce que c'est vrai que le sujet qui est derrière intéressant, ce fameux tombeau qui se remplit d'eau. Alors, le point commun qu'on peut avoir ici dans Exocet avec ce type d'émission, c'est qu'on cherche à vous étonner, vous chers auditeurs adorés, mais si on a possibilité donc de prendre du recul sur les histoires et vous apporter des explications plausibles ou avérées, on ne se prive pas de le faire, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire ce soir avec les deux histoires. Alors, l'explication scientifique du tombeau d'Arles-sur-Tech, en fait, est relativement bête. Alors, il faut savoir que le protocole scientifique qui a été mis en place a été d'abord... Enfin, pour connaître ceux qui connaissent le cercle zététique, savent qu'ils font vraiment toutes les opérations pour qu'elles soient incontestables et incontestées. Donc évidemment, tout a été testé, on a serti le sarcophage pour savoir si c'était pas de l'eau qui s'infiltrait directement entre le couvercle du tombeau et le tombeau, hein, par un effet de goutte à goutte. On a mis une tente au-dessus aussi pour savoir si effectivement c'était le dessus du sarcophage qui était perméable à l'eau. Bref, point de vue scientifique, on a vraiment calé tous les éléments au maximum. Et puis effectivement, c'est en plaçant une tente au-dessus de ce fameux tombeau qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait plus d'eau, ou en tout cas plus d'augmentation d'eau dans le sarcophage. Donc on est arrivé à une conclusion, à une première hypothèse, que l'eau devait s'infiltrer en tout cas par le couvercle du tombeau. Alors, pour revenir sur l'émission de Mystère qui prétendait aussi, par exemple, que le sarcophage de temps en temps débordait, vous allez voir qu'ils avaient une certaine façon de présenter les choses. En gros, ils ont retrouvé dans un écrit datant du 18 ou 19e siècle un témoignage écrit disant que l'eau débordait, on pouvait voir une goutte suinter le long du tombeau. Donc on est loin quand même aussi du débordement, ouais, massif de plusieurs litres d'eau. Voilà, il y aurait une gouttelette de temps en temps qui aurait perlé par la sortie du sarcophage. Eux, ils ont un peu tronqué le texte pour juste présenter le fait que le sarcophage ruisselait littéralement, ouais, d'eau. Donc voilà, vous voyez qu'ils ont quand même eu une position assez ambiguë sur le sujet. Mais donc, pour revenir sur l'explication scientifique, donc en fait, on s'est aperçu que c'était certainement le dessus, hein, le couvercle. Là, c'est suivi plusieurs tests, et on a fini par trouver l'explication. En fait, donc, le dessus du couvercle est effectivement perméable. Sa grande particularité, c'est qu'il est constitué d'un ensemble de micro-interstices, un peu comme ces pierres un peu poreuses hein, qu'on a dans la région. Donc l'eau s'infiltre dans ces microscopiques petits trous que nous on voit même à peine à l'œil nu et arrive à rentrer dans le cercueil à raison de 15 mm par an à l'intérieur en s'engouffrant. Donc ça, ils ont réussi à le démontrer scientifiquement, et c'est vrai que l'autre caractéristique de ces pierres un peu poreuses, c'est que d'aspect extérieur, de surface, on a vraiment l'impression qu'elles sont complètement sèches, puisqu'elles contiennent en fait l'eau à l'intérieur, ouais. Et la laissent couler au fur et à mesure. Donc l'explication en fait de l'eau vient de là. Alors évidemment, ils s'en sont aussi aperçus parce qu'ils ont constaté que suite à des fortes pluies, un mois, deux mois après, le niveau du cercueil montait. Quand il y avait des grandes périodes de sécheresse, un mois, deux mois après, le niveau d'eau dans le cercueil diminuait. Donc ils ont clairement vu la corrélation qu'il pouvait y avoir avec la pluie. Et l'autre question qu'ils se sont posées, c'est effectivement si l'eau peut rentrer dans le cercueil, vu que la base est faite dans la même pierre, comment ça se fait qu'elle reste dans le cercueil alors qu'il devrait y avoir en fait le même phénomène, oui. C'est-à-dire que ça devrait en s'écouler bas, par ouais. le bas, voilà, ouais. tout simplement. Et bien là, ils ont réussi aussi à trouver l'explication, c'est-à-dire que l'eau, en s'infiltrant dans le tombeau, en passant par le couvercle, attire avec, et ça on le sait, c'est les phénomènes d'érosion, de microparticules de poussière, de terre, de calcaire. Il bouge. Elle tombe au fond du cercueil, donc au début, évidemment, le cercueil devait relâcher l'eau, ouais. et là, au fur et à mesure des siècles, eh bien, les petits interstices qu'il y avait au fond du cercueil ont été bouchés par ces différents détritus charriés par l'eau, ah, oui. et donc auraient colmaté complètement le fond, ce qui explique que le cercueil arrive à garder un niveau constant d'eau, et une eau parfaitement pure, puisqu'elle est filtrée par la pierre, qui évidemment rend l'eau absolument nickel. Donc une énigme qui a fini par être comprise par les scientifiques, voilà. Au bout de plusieurs décennies, hein, parce que c'est vrai au qu'elle bout de plusieurs décennies. Elle a quand même tenu dans l'expectative la plus totale de nombreux chercheurs pendant de nombreuses années. C'était un mystère, et puis donc il a été résolu. Alors, je rappelle que Arles-sur-Tech se trouve au sud de la région Languedoc-Roussillon, et vous nous y écoutez sur le 102.5, hein, voilà, je tiens à le rappeler. On marque une première pause musicale dans cette émission, et juste après, je vous raconterai l'étonnante histoire de la maison hantée de Vaillocès. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Vous êtes toujours dans Exocet, je vous rappelle que vous nous écoutez dans le Vaucluse sur le 90.3 et dans l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Gard sur le 102.5 et... Dans cette zone, j'inclus la ville de Vaillocaise, qui est à quelques kilomètres de Montpellier. Donc peut-être que certains protagonistes de cette histoire nous écoutent ce soir. Bonsoir à vous. En tout cas, on va parler de vous et de cette maison mystérieuse. Alors, par la couverture médiatique qu'elle a connue et les débats qu'elle a suscités, l'affaire de Vaillocaise reste un des dossiers les plus intéressants du paranormal en France. Alors, l'histoire commence en 1987 à Vaillocaise, petite commune de l'Hérault, comme je vous le disais, à quelques kilomètres de Montpellier. Plus exactement, au mas de Lacoste, où habitent les malheureux protagonistes de cette histoire, le couple B, hein, dont on ne donnera pas le nom, leur fils, âgé de 16 ans à l'époque, et le grand-père de la famille. Alors, leur maison est une ancienne cave à vin avec des murs solides, qui a été construite 70 ans plus tôt, et au moment des faits, les B ont une cinquantaine d'années, l'épouse travaille à la maternelle du village, le mari est employé à la faculté de médecine de Montpellier, et ils sont tous les deux très croyants. Alors un soir de novembre 87, Madame B entend des bruits dans sa maison, des bruits sourds. Alors elle n'en parle pas, mais les bruits recommencent, et rapidement, c'est tous les habitants de la maison qui commencent à les entendre aussi. Alors, d'après un témoignage de la famille qui avait été publié dans le Midi Libre à l'époque, ces bruits sont très sourds au départ, je cite, hein, « que nous situons dans le garage ». Ils arrivent progressivement, s'amplifient dans l'appartement, cela peut ressembler à la dilatation d'une cuve en métal ou bien à une dalle de ciment qui tomberait sur le plancher ou bien encore le bruit d'une portière. Quelquefois, la force et la résonance sont invivables. Voilà, donc ça c'était dans le Midi Libre de février 88. Et la source de ce bruit reste totalement introuvable. Alors, entre novembre et février, quasiment toutes les nuits sont marquées par le phénomène et les B commencent à vivre un véritable cauchemar. Le record sera de 113 coups pour la nuit du 23 au 24 janvier. Donc on imagine que ça doit être un petit peu irritant à force, surtout que donc, ça se passe uniquement la nuit. Alors, déconcertés, les époux décident d'agir. Ils font constater les bruits par un maximum de témoins, alors notamment Jean-Marie Boude, qui travaille au service des eaux. Et celui-ci fait donc couper la conduite qui alimente la maison durant la nuit du 18 au 19 janvier. Mais rien n'y fait. Entre 23h20 et 3h30 du matin, les coups reviennent de plus belle. Alors, le couple décide de faire appel également à un géologue, Marc Ullery, qui constate les bruits durant la nuit du 14 au 15 janvier. Il ne parvient pas à localiser la source, qui semble se déplacer. Alors, dans un PV d'audition, il dira, je cite là encore, que l'hypothèse du phénomène purement naturel semble devoir être écartée du fait du caractère répétitif et régulier de cette manifestation sonore. Il se peut toutefois que la structure de la maison et les caractéristiques du sol favorisent la propagation et l'amplification d'une vibration d'origine lointaine. Donc c'est sa conclusion de géologue. Mais les B restent toujours sans réponse et ils finissent par demander le renfort de la brigade de gendarmerie de Saint-Gély-du-Fesc, dont dépend la commune de Vaillocaise. Et là, les gendarmes constatent les témoignages et ils confirment les bruits. Il vérifie également qu'il n'y a pas de farceur ou quelqu'un qui en voudrait au couple B, mais il ne trouve absolument rien du tout, et encore moins la source du bruit. Alors avec l'accord des B, la gendarmerie contacte le 19 janvier Yves Lignon et son laboratoire de parapsychologie. Donc Yves Lignon, c'est un enseignant toulousain qui donc s'est spécialisé dans les phénomènes paranormaux, les phénomènes parapsychologiques, et il se rend sur les lieux le 30 janvier avec ses collaborateurs. Alors il recueille les témoignages, ils font plusieurs tests, ils sont même témoins de 4 coups qu'ils ne parviennent pas à enregistrer avec une qualité satisfaisante avec les appareils qu'ils ont donc à l'époque. Et le matériel rassemblé permet à cette équipe toulousaine donc d'être très clair. Pour eux, il s'agit d'un phénomène naturel de type psychokinèse, donc action de la pensée sur la matière. Donc ils ne doutent de rien. Et ce phénomène assez rare... Phénomène naturel de psychokinèse, oui, voilà, c'est intéressant. Classique. Et ce phénomène assez rare en parapsychologie, je cite, hein, donc, est provoqué inconsciemment par les occupants de la maison à la suite d'une brusque décharge émotionnelle consécutive à un conflit avec le voisinage. Donc voilà, ça c'est la conclusion du laboratoire de parapsychologie, et ça a été cité dans le Midi Libre de février 88. Alors, l'équipe annonce son retour avec du matériel plus adéquat, donc il décide de pas lâcher l'affaire. Mais cette explication ne satisfait pas du tout Monsieur B, qui est directement mis en cause, hein, puisque ça serait donc de son propre fait que les phénomènes apparaîtraient, ou en tout cas du fait d'un des membres de sa famille qui aurait une action sur la matière. Alors Monsieur B décide de faire appel à un exorciste, et à ce moment-là, Yves Lignon réagit assez violemment. Il juge que la présence d'un exorciste n'est pas compatible, que sa présence à lui n'est pas compatible avec ces pratiques-là, ces pratiques archaïques. Mais Monsieur B fait quand même appel à des amis prêtres et il leur demande de prier pour lui et pour sa famille. Alors le soir suivant, selon la Gazette de Montpellier, toujours datée de février 88, il n'y aura que 4 coups qui paraissent moins forts, bizarrement, que les jours précédents. Alors le 6 février 88, le Midi Libre ouvre ses colonnes à Jean Vianès, qui était un chroniqueur scientifique au journal d'ailleurs, qui est à la retraite, et il réintroduit la piste géologique qui était en retrait dans les esprits à l'époque, hein, puisque donc on était en plein fantasme paranormal, et il dit que les bruits pourraient être occasionnés par des phénomènes connus sous le nom de paradoxe de Venturi et coup de bélier, qui sont donc des phénomènes physiques connus, mais les médias ne s'attardent pas trop sur ces conclusions cartésiennes, puisque l'histoire a une saveur paranormale bien trop sensationnelle pour s'en priver. Alors, la venue de Yves Lignon, son retour, hein, donc fait davantage de vagues, bien évidemment. Et en plus de ça, ses conclusions donnent une ampleur nationale à cette affaire. Le 11 février, le Midi Libre annonce le retour de l'équipe en disant « Lignon avec des renforts ». Alors, les principales chaînes de télé à l'époque envoient des journalistes, des envoyés spéciaux. Il y a aussi pas mal de magnétiseurs, de radiesthésistes, médiums, exorcistes, amateurs qui viennent rôder autour de la maison. Ça devient une espèce d'attraction pour touristes, hein, le dimanche. Et en fait, donc, l'équipe de Yves Lignon est revenue le mercredi 10 février pour mener une étude plus large. Alors, une trentaine de personnes vont assister à ce que Yves Lignon nommera ce soir-là un exorcisme scientifique. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pensant qu'un problème psychologique du propriétaire est à l'origine du bruit, il déclenche une espèce de mise en scène qui vise à faire croire au propriétaire que les coups vont se manifester une dernière fois dans la nuit du 9 au 10 février, histoire de le conditionner psychologiquement. Et il ajoute, Yves Lignon ajoute, qu'il ne se passera probablement plus jamais rien. Donc ça, c'est des propos qui ont été recueillis dans le Midi Libre, encore une fois, de février 88. Alors, le samedi 13 février, toujours dans le Midi Libre, Jean Vianès revient à la charge. Il précise que les phénomènes de coup de bélier et de paradoxe de Venturi pourraient correspondre parfaitement au caractère nocturne du phénomène. Et là, un autre géologue qui s'appelle Gilly vient sur place avec des assistants. L'un d'eux descend dans le puits de la maison, il frappe à plusieurs reprises contre les parois, et là, il produit un bruit dans la maison que les baies décrivent comme identique au fameux bruit qui les hante depuis des mois. Alors la presse locale change brusquement d'opinion sur cette affaire, la géologie passe, les esprits trépassent, hein, donc c'est le titre de la Gazette de février 88, qui précise que les bruits devraient se résorber lorsque le niveau d'eau du massif aura baissé, et le Midi Libre annonce qu'il n'y a plus de mystère à Vaillocès. Malgré ça, les bruits continuent encore longtemps, et la Gazette du 11 mars 88 précise que pour la nuit du 2 au 3 mars, on a entendu 80 coups frappés, mais le bruit s'est quand même atténué, et c'est à la mi-mars que le silence revient, et là la Gazette du 1er avril 88 titre « Silence à la maison qui frappe », et tout à coup on s'aperçoit que l'hypothèse géologique donc tenait la route, hein, puisque donc il fallait, je cite, ces 2 mois de sécheresse pour réguler les réseaux hydrauliques, assécher la terre et vérifier l'influence des pluies exceptionnelles. Alors les bruits s'arrêtent effectivement, et le rapport de gendarmerie le confirme, puisque donc suite à une conversation téléphonique avec les époux B, ils ont pu apprendre que les bruits avaient totalement cessé de torturer la pauvre famille. Et donc la disparition de ces phénomènes, donc toujours selon le rapport de la police, semble devoir être liée à l'assèchement naturel des nappes phréatiques provoqué par le manque de pluie. Alors 2 ans après, les B déménagent, ils laissent la place à de nouveaux propriétaires qui vivent toujours dans la maison, qui n'ont jamais entendu de bruit similaire, et il paraît que l'histoire les amuse beaucoup, voilà, on peut l'imaginer. Alors Yves Lignon, pour sa part, malgré le fait que l'hypothèse géologique ait été prouvée par les faits, continuait à penser que la piste télékinésique était également compatible et que c'était jouable après tout. Donc c'est vous dire que cette histoire, plus de 10 ans après, continue à créer la controverse entre les sceptiques et les tenants du paranormal. Donc on voulait quand même vous en parler ce soir, d'autant que, comme je vous le disais, c'est si vous nous écoutez sur le 102.5, donc c'est proche de chez vous, vous pouvez peut-être éventuellement y aller faire un tour, mais enfin je vous encouragerai pas à aller importuner cette famille. Ça se passait à Vaillocaise. Voilà, on marque une petite pause musicale, chers amis, et juste après on se retrouve pour les infos insolites de la semaine. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Chaque semaine dans Exocet, en deuxième partie d'émission, les insolites de la semaine, toutes les histoires dingues, hallucinantes, étonnantes, qui ont retenu notre attention et qui se sont déroulées un petit peu partout dans le monde. Et on va démarrer avec une histoire qui a trait à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui pensait en avoir fini de souffrir, je vous rappelle donc qu'elle est morte en barbecue. Et manifestement, ce n'était pas la fin de ses malheurs, Thomas. Non, tu vas nous en parler. Puisqu'on l'a retrouvée morte, décapitée en fait, pour une seconde fois, donc morte une seconde fois. En fait, l'explication est toute simple. C'était donc évidemment un mannequin représentant Jeanne d'Arc dans un musée de Rouen qui a été vandalisé pendant la nuit. Alors il faut savoir que le malfaiteur s'est introduit dans le musée, a d'abord coupé la main d'un des policiers en cire évidemment qui était dans le musée, s'est dirigé droit vers Jeanne d'Arc, hein, parce qu'on a les vidéos de ce qu'il a exécuté, donc il a marché droit vers Jeanne d'Arc, a pris un instrument, il l'a décapité littéralement avant de partir avec une quarantaine de CD qui servent à l'animation du musée. Alors le directeur du musée, évidemment, dès que l'alarme a sonné, est descendu. Lui, il s'est légèrement blessé, rien de trop grave, je vous rassure. Il a quand même prévenu aussi tous les autres conservateurs de musées de la région parce que, effectivement, on ne sait pas si on a affaire à un détraqué qui veut s'amuser à décapiter tous les personnages historiques du coin ou si c'est juste un petit délinquant qui passait par là et rentré par effraction, a trouvé ça amusant de décapiter un personnage X, Y ou Z sans même s'en rendre compte que c'était Jeanne d'Arc. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est de partir avec les CD du musée parce que je pense pas que... oui, ça, c'est le détail. Je pense pas qu'il y ait quand même des trucs qui, voilà, hein, qui vaillent grand chose dans la musique du musée. Et autre petit détail amusant, quand même, le conservateur du musée a remplacé la tête de Jeanne d'Arc, alors temporairement, je vous rassure tout de suite, hein, pour les fans de Jeanne d'Arc, par la tête d'une Anglaise qui conservait donc dans son musée, dans les stocks, parce qu'en fait, voilà, il veut pas choquer le public qui passerait avec une Jeanne d'Arc décapitée, donc il a remplacé immédiatement sa tête, mais avec une tête d'Anglaise en cire. D'accord. Donc voilà pour la petite ironie de l'histoire. Donc il avait quand même décapité Jeanne d'Arc avec une hallebarde qu'il a pris sur un autre mannequin. Donc il s'est lâché, le monsieur. On continue avec une histoire qui s'est passée en Allemagne, l'histoire d'un Allemand qui a survécu à un plongeon de 7 mètres dans une cage d'ascenseur parce qu'il a atterri sur une femme qui était tombée la veille dans la même cage d'ascenseur. C'est drôle, mais on ne devrait pas rire. Alors, il s'appelle Jens Willems, il est âgé de 27 ans, et il n'a aucune égratignure suite à cette chute sur cette femme de 57 ans. Alors, il a réussi à sortir de la cage d'escalier. Ça se passe dans un immeuble de Francfort, c'est là qu'il vit. Et il a donc immédiatement contacté les secours, bien évidemment, qui sont venus chercher la pauvre femme, qui était inconsciente. Ils l'ont ramenée à l'hôpital. Les docteurs ont dit qu'elle était dans un état critique, puisque donc elle avait subi pas mal de blessures durant sa première chute, et évidemment ça s'est pas arrangé quand l'autre lui est tombé dessus de 7 mètres, mais ironiquement, Jens Willems a sauvé la vie de cette femme. Parce que s'il n'était pas tombé sur elle, s'il ne l'avait pas trouvée, la femme serait probablement morte d'hémorragie interne. Donc elle serait restée dans cette cage d'escalier jusqu'à la mort. Et donc voilà, c'est l'ironie du truc. Il a empiré ses blessures, mais il a également sauvé. Alors Willems a expliqué qu'il était tombé dans cette cage d'escalier parce qu'il passait devant l'ascenseur qui était en panne, il le savait, mais la porte était entrouverte. Donc comme il en avait marre de prendre l'escalier, il a quand même jeté un œil à l'intérieur pour voir si au cas où l'ascenseur serait pas revenu, mais dedans c'était totalement noir et il a glissé et il est tombé. Donc on imagine sa surprise, surtout quand il est tombé sur quelque chose de mou. Et l'ironie, c'est aussi que cette femme l'a peut-être sauvé également, parce que s'il était tombé sur le dur, peut-être que donc qu'il n'aurait pas survécu, hein, selon la chute. Donc voilà, ils se sont mutuellement sauvés, c'est une belle histoire. À Wellington, en Nouvelle-Zélande, un objet bien mystérieux s'est écrasé dans la maison d'un habitant d'un petit village. Alors on n'a pas trop d'éléments sur le nom du petit village ni sur le nom du propriétaire de la maison. La police désirant pour l'instant garder la personne anonyme. Et pour cause, en fait, ce petit objet est une pièce métallique, donc qui a traversé la toiture, littéralement, de cette petite maison. Alors évidemment, le propriétaire a immédiatement averti les autorités. Une enquête a été menée, des scientifiques se sont penchés sur la question, sans trop trouver de réponse plausible, jusqu'à ce que l'hypothèse que la pièce viendrait d'un avion qui serait passé au-dessus de la maison finisse par arriver à leur conscience. Ils ont étudié la chose, ils ont regardé quels pouvaient être les avions qui auraient perdu une pièce dans le secteur. Malheureusement, en faisant le tour, un check-up complet des avions, il manque une pièce sur aucun des avions qui serait passé au-dessus de cette fameuse maison. Pire encore, un expert en aéronautique s'est penché sur la pièce en question et lui doute fortement que de toute façon cette pièce puisse venir d'un quelconque avion, vu qu'il n'y a aucun marquage caractéristique comme il peut y avoir sur chaque pièce d'avion. Alors apparemment, toutes les pièces d'un avion sont numérotées pour qu'on puisse retrouver à quel avion ça appartient, et là c'est pas le cas, il n'y a aucun marquage, aucune numérotation. Donc un objet métallique, manufacturé c'est certain, est tombé du ciel. Alors la dernière hypothèse qui reste, et que les scientifiques pensent comme étant plausible en tout cas, c'est que cette pièce viendrait d'un matériel agricole, certainement qui servirait à arroser les plantes, et donc aurait été éjectée tout simplement par la force de gravité de cet arroseur automatique, et donc aurait traversé le toit, mais donc ça veut dire quand même que c'est un arroseur qui commence à envoyer sévèrement. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Alors dans la série des bavures, hein, vous savez qu'on aime bien ça ici à Exocet, une histoire qui s'est passée à Bolton en Angleterre, six officiers de la brigade des stupes qui ont pénétré avec fracas, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, dans une maison de Bolton, avec des masses, hein, donc ils ont brisé le mur à coups de masse. Mais au lieu de trouver, comme ils s'y attendaient, une bande de junkies défoncés au crack, ils ont trouvé Kathleen Oldham, 58 ans, dans sa robe de chambre en train de boire du thé. Alors, les policiers auraient dit « Sorry, wrong house », donc « Désolé, on s'est trompé de maison », et puis ils sont partis. Et là, donc, ils ont laissé derrière eux une collègue pour qu'elle puisse faire davantage d'excuses donc à cette Kathleen Oldham. Alors, Miss Oldham a été, comment dirais-je, elle a été un petit peu soignée par la police puisqu'ils lui ont offert un bouquet de fleurs, etc. En plus, ils lui ont fait réparer son mur, c'était quand même la moindre des choses. Et la police de Manchester a fait une excuse publique à la dame concernant ce raid. Alors, le porte-parole de la police a expliqué que le but, c'était donc d'intercepter effectivement des trafiquants de drogue, mais qui se sont tout simplement trompés de maison, et ils vont tout faire pour que ça n'arrive plus. Donc on imagine le choc, hein, au petit-déj, avec une tasse de thé entre les mains, tout à coup ton mur se fait défoncer à coups de masse par la brigade des stupes, ça doit faire son petit effet. On se rappelle de cette bavure qu'on avait racontée dans cette même émission ça il y a souvent, hein. Pas mal de temps, avec des policiers qui avaient fait encore plus fort, hein, puisqu'ils étaient arrivés avec des grenades, ouais. Je crois que c'était des grenades fumigènes dans la maison, donc la maison ils était... avaient fait sauter la porte. La maison aussi, était dévastée, donc ils s'étaient trompés finalement, voilà, ça peut arriver. Si vous connaissez un certain Hans Astoff, ne l'invitez jamais au restaurant car c'est l'homme à l'estomac insondable. En effet, il est capable de manger 12 000 calories de nourriture sans prendre un seul gramme, 12 000 calories par jour évidemment, sinon il n'y aurait pas de challenge sans prendre un seul gramme. Alors pour vous donner une idée, il est capable d'avaler par exemple 2 kg de pommes de terre, 20 steaks, 1 kg de pain, le tout arrosé de mayonnaise, et tout cela en une seule journée, et de ne pas du tout grossir. Alors, c'est des quantités complètement astronomiques. Alors, la personne en plus en question n'est pas particulièrement grosse, hein, puisque, effectivement, elle ne grossit pas quand elle mange, donc c'est un gros avantage. Par contre, les médecins se sont penchés sur son cas, ont trouvé ça intéressant, et ironie de l'histoire, quand même, lui conseille de ne pas arrêter de fumer, pour la simple et bonne raison que s'il arrête de fumer, il risque de devoir compenser en mangeant encore davantage, et là, il pense quand même que, à terme, ça devrait comme... commencer à poser des problèmes pour la santé, parce que ouais, plus de 12 000 calories par jour, ça deviendrait absolument colossal. Donc c'est la seule personne au monde pour qui les médecins conseillent de continuer de fumer. Mais voilà, il vaut mieux pour lui, pour sa santé, qu'il continue de fumer plutôt qu'il s'arrête. Alors rappelons que l'apport journalier moyen pour un homme adulte en calories, c'est entre 2 500 et 3 000. Donc ah là, ouais, on parle de 12 000 il fait calories. Péter largement. Ouais. Donc ouais, c'est quand même assez impressionnant. Et puis c'est rageant en même temps de se dire qu'il peut bouffer ce qu'il veut et il prend pas un gramme. Voilà, c'est assez énervant quand même. On marque une pause musicale, chers amis, et on se retrouve après pour la suite et la fin des infos insolites. Restez avec nous. He prays his Lord on Sundays, for such light on Mondays. He don't mind, just let him go. Dogs and like an animal, he don't mind, just let him go. Le magazine de l'étrange et de l'insolite. Toujours dans Exocet, c'est les infos insolites de la semaine, mesdames et messieurs, et on va partir en Australie où il s'est déroulé ce qu'on peut appeler un drame, effectivement, un drame qui s'est passé sur des toilettes. C'est Thomas qui va nous en parler. Oui, un jeune Australien qui était tranquillement le trône, comme on l'appelle dans la région. Il était à l'aise, il a refermé la porte et tout d'un coup il a entendu un bruit assourdissant, donc vraiment une ou deux secondes après qu'il ait quitté le siège des toilettes, littéralement. Il a rouvert la porte et là a remarqué qu'un rocher de 300 kilos avait complètement explosé ses toilettes, donc ses toilettes physiquement, la vasque, et puis les toilettes en elles-mêmes, puisque le rocher a explosé les murs, le peu de toiture qu'il y avait au-dessus des toilettes, bref, qu'il avait à une ou deux secondes près échappé purement et simplement à la mort, en plus une mort assez horrible, parce que je pense que mourir sur ses toilettes, il n'y a rien de pire, il a échappé à une ou deux secondes près. Alors l'explication est relativement simple, en fait il habite à dos de falaise, et donc un gros bloc se serait décroché de la falaise, aurait roulé jusqu'à sa maison, jusqu'à exploser ses propres toilettes. Là où l'histoire est intéressante, c'est dans cette chance, et puis cet espace temporel très court qui sépare donc la probabilité de se manger un rocher de 300 kilos sur ses toilettes, et puis ce temps aussi qui permet peut-être aussi de rester en vie, parce que je pense que ça aurait marqué les esprits, et dans sa famille, pendant des années, on aurait continué à parler du grand-oncle qui serait mort de façon humiliante sur ces pauvres petites toilettes. Alors, pour l'information quand même, le quartier a été entièrement bouclé pour éviter que d'autres gens se mangent des rochers dans leur chambre à coucher, etc. Jusqu'à ce qu'on ait fait un petit peu le tour de la falaise et qu'on ait sondé tous les différents blocs de rochers. Ah, c'est quand même le genre de moment où tu dois faire des bilans, quoi. Tu dois te dire que ça ne tient à rien. Tu vois, ça tient même à ce qu'il avait bouffé la veille, à la limite. Hein. Un petit peu de constipation, et il y serait resté un petit peu plus et il serait mort écrasé, quoi. On est peu de choses. On continue avec une histoire qui s'est passée en Russie et qui, vous allez le voir, se rapproche de certaines histoires qu'on a déjà racontées ici. Hein. Vous le savez, si vous êtes des auditeurs fidèles, il y a comme ça des thèmes récurrents dans les insolites. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître. Et là, donc, ça concerne un électricien russe qui a passé la nuit avec un couteau de cuisine de 20 cm dans le dos avant que ce soit sa femme qui réalise la chose, puisque lui, manifestement, ça le gênait pas. Alors, ça s'est passé alors que notre homme, Yuri Lailin, donc, passait une soirée entre amis, une soirée arrosée, vous l'aurez compris, dans laquelle il jouait jouer à une variation de la roulette russe. Alors, dans cette variation, le joueur principal a les yeux bandés, il a un couteau dans la main, et il poignarde au hasard, c'est un peu une version trash de Golamaya, il poignarde au hasard, et autour de lui, ses amis danse, tout en buvant de larges portions de vodka, donc on s'amuse. Et Yuri a expliqué par la suite qu'il ne s'était absolument pas aperçu que son ami l'avait poignardé, puisqu'il n'avait rien senti jusqu'à son retour à la maison. Il a simplement réalisé ce qui s'était passé quand sa femme l'a vu dans le lit avec le couteau et qu'elle s'est mise à hurler, donc évidemment... Ils ont appelé l'ambulance. Les docteurs qui l'ont traité ont expliqué que le couteau était rentré de près de 10 cm dans son dos, mais qu'il avait raté les organes vitaux. Alors, il a été retiré, et Yuri est d'ailleurs sorti de l'hôpital, il n'y a pas de problème pour lui. Et un des docteurs a expliqué que l'alcool avait probablement servi d'anesthésiant, parce que sinon ça aurait été absolument insupportable comme douleur. Donc, c'est dire s'il avait dû enquiller, hein, à la russe en tout cas. À la russe. Comme quoi, voilà, on s'amuse dans l'Est. Ouais, on s'amuse bien. Ouais. Rappelle-moi de ne jamais faire une petite fête dans l'Est, parce que voilà. Moi, le concept de Cola Maillard avec des couteaux, je suis pas fan. Je te le rappellerai. En Allemagne, un lycéen de 13 ans avait, il y a quelques temps, affirmé qu'il avait refait les calculs de probabilité comme quoi la comète Apophis allait rentrer en collision avec la Terre. Alors, pour la petite histoire, la NASA avait évalué ce chiffre à une chance sur 450 000, ce qui est déjà énorme. Et puis ce jeune Allemand, d'après ses observations qu'il avait fait pour un concours, qu'il a gagné d'ailleurs, hein, avait refait les calculs et lui était tombé sur un chiffre de 1 sur 450, ce qui là est frôle dramatique, hein, parce qu'une chance sur 450, on commence vraiment à serrer les fesses. Donc il gagne ce concours en Allemagne, l'histoire commence à prendre un petit peu de l'ampleur, personne ne vérifie l'information auprès de la NASA, bizarrement, pour leur demander « les gars, vous êtes peut-être trompés », tout le monde croit sur parole ce jeune homme. Et puis évidemment, l'histoire prend tellement d'ampleur que ça arrive à l'oreille de scientifiques de la NASA, qui prennent en compte donc les calculs de ce jeune homme, et puis s'aperçoivent qu'il avait fait quand même une simple petite erreur dans son calcul, il avait juste oublié d'intégrer les différents satellites naturels ou non, donc satellites artificiels qui entourent la Terre, et qui font qu'effectivement on passe de 1 chance sur 450 à 1 chance sur 450 000, puisque l'astéroïde, évidemment, avant de rentrer en collision avec la Terre, a de fortes chances de percuter eh bien, des satellites ou des météorites qui traînent dans la périphérie de la Terre, et donc de ne jamais nous toucher, et donc c'est ce qu'avait oublié ce jeune Allemand. Mais bon, il a quand même réussi à se la péter comme ça pendant plusieurs semaines auprès de ses copains d'école, en disant « moi je suis plus fort que la NASA », et en plus tout le monde l'a cru, la presse et la télévision en Allemagne. Ah, on est quand même rassuré qu'il se soit trompé, hein. C'est clair. Respire un petit peu. On termine avec l'histoire de cet automobiliste aux États-Unis qui s'est fait arrêter par la police. Alors là aussi, rappelez-vous, il y a comme une espèce de lien avec cette histoire d'automobiliste qui avait été arrêté par des policiers, qui avait détecté de la radioactivité émanant de sa voiture. Donc ils avaient pris ça pour une bombe nucléaire, et en fait c'était son chat qui venait de passer une radio. Alors là, donc, on a un automobiliste qui se fait arrêter lui aussi par les policiers, et quand ils ouvrent la voiture, les policiers s'aperçoivent que le passager de la plage arrière, c'est un alligator de 2 mètres de long. Alors, William Johnson, âgé de 30 ans, a déclaré qu'il avait trouvé l'alligator sur le bord de la route près de Brazoria au Texas. Alors, il y a une vidéo qui nous montre la police qui arrête l'homme et qui regarde la plage arrière avec des torches, parce que donc ils étaient, enfin pas la plage arrière, le siège arrière, excusez-moi, ouais. Avec des torches, parce que donc ils avaient du mal à croire ce qu'ils étaient en train de voir. Alors l'alligator a été relâché dans un parc national, et Johnson a été inculpé pour possession illégale d'alligator, voilà. Alors il a été aussi inculpé pour cambriolage, parce que dans la voiture on a quand même trouvé aussi des biens qu'il avait volés. Donc il y avait son butin de petit cambrioleur, et il a été donc retenu en garde à vue. Alors la police a également révélé que Johnson s'était illustré quelques jours plus tôt, après avoir semé la panique dans un restaurant de bord de route, où il avait alerté tout le monde en disant qu'il s'était fait mordre par un serpent qui se trouvait dans sa voiture. Donc la police était intervenue là aussi, et c'était effectivement un mocassin d'eau, donc un serpent venimeux qui était à l'arrière de sa voiture. Et il avait refusé, Johnson, de se faire soigner. Bizarrement, il s'est fait mordre, mais il refusait de se faire soigner. Alors, tout ce qu'il a pu trouver comme explication aux deux affaires, l'alligator et le serpent, c'est qu'il aimait les reptiles. Voilà. Oui. Je pense que dans ces cas-là, c'est pas la peine de chercher à comprendre davantage. Hein. Non, c'est ça, clair. Ça s'arrête là. C'était Exocet. J'espère que cette heure en notre compagnie vous a plu. Juste après, sur Rage, c'est la récréation suivie de Rage par en live. Cette émission sera rediffusée dimanche soir à 22h. Si vous voulez laisser des commentaires, des impressions sur l'émission, n'hésitez pas à aller sur le forum d'Exocet sur rage.fr. Et pour écouter les anciennes émissions, c'est sur le blog d'Exocet, exocet-rage.net. Passez une bonne soirée sur Rage. Bye bye. Ciao à tous. Le magazine de l'étrange et de l'insolite.